conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le temps est-il une illusion ? Soyons honnêtes. Qui parmi nous saurait vraiment dire, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements ou si au contraire il en émane ? Qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure ? Qui pourrait assurer que le temps ne se montre vraiment que dans la présentification de l'aiguille qui avance, selon les mots d'un certain Heidegger, ou bien s'il est aussi cette puissance qui vieillit les êtres, altère et use les choses, ronge jusqu'aux roches les plus dures ? En vérité, nous méditons sur le temps sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-il une substance ? Est-il un fluide analogue à un fleuve qui coule ? Une production de la conscience ? Une construction sociale ? Une illusion ? De nombreuses locutions familières suggèrent qu'il s'agirait d'un être physique, tandis que d'autres laissent penser qu'il ne serait qu'une émanation de notre conscience, un concept culturel, ou bien encore un aspect des processus naturels. Mais au fait, le temps existe-t-il vraiment ? C'est la question que je vais poser à mes deux invités. Le premier est Carlo Rovelli, bonjour. Bonjour, Étienne. Vous êtes physicien théoricien, je vous ai déjà reçu plusieurs fois à cette émission. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et vous publiez chez Flammarion un livre qui s'intitule « Écrit vagabond » et puis un livre que vous avez écrit il y a quelques années qui s'intitule « L'ordre du temps » vient de reparaître dans la collection de poche chez Flammarion. Mon second invité est Yann Mambrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi physicien théoricien, directeur de recherche au CNRS, et vous êtes également magicien. Il faudra nous expliquer en quoi cela vous rend maître en matière d'illusion. Et vous publiez également un livre sur le temps qui s'intitule « Histoire de temps » aux éditions Ellipse. Exactement. Alors le programme de cette émission est tout à fait simple. Nous avons une heure, montre en main, pour examiner et trancher la question de savoir quelle réalité ou quelle absence de réalité se cache derrière le mot « temps ». Mais avant d'affronter frontalement cette question, je voudrais, Carlo Rovelli, que nous parlions de ce livre assez étrange, qui s'intitule donc « Écrit vagabond » et qui contient une série de textes que vous avez écrits dans la presse italienne. Italienne et anglaise, et, américaine, anglaise. Et sur toutes sortes de sujets. Vous parlez évidemment des grands physiciens qui vous passionnent, Galilée, Newton, Copernic, Einstein et quelques autres. Et puis aussi de vos réflexions personnelles dans le champ politique ou ailleurs. Et notamment un chapitre dans ce livre s'intitule « La science a-t-elle besoin de philosophie ?» Est-ce que vous pensez que l'étanchéité académique qu'on a construite entre la physique et la philosophie est un handicap pour les deux disciplines ? Oui, certainement. Alors les physiciens font leur métier, les philosophes font leur métier, ils ont des outils différents, des façons de penser différentes. Mais dans l'histoire, la meilleure philosophie s'est toujours nourrie de sciences. Les très grands philosophes connaissaient la science de leur temps à fond, étaient très intéressés. Et vice-versa, au contraire, les très grands pas en avant de la physique, si je pense à Einstein, Heisenberg, Copernic, Newton, c'était des penseurs qui étaient fortement inspirés et fortement immergés dans la culture philosophique de leur temps. Donc, dans l'histoire, les deux disciplines se sont nourries l'une l'autre. Et la raison est que, l'objectif est commun, c'est le même. C'est-à-dire trouver les instruments conceptuels meilleurs pour comprendre la réalité autour de nous. On apprend les unes des autres. Si on le fait moins, comme on l'a fait moins dans les dernières décennies, il y a une stérilité dans les deux champs. Mais il y a des philosophes qui écoutent les scientifiques aujourd'hui, il y a des scientifiques qui écoutent les philosophes. Je sais qu'il y a des philosophes qui vous lisent. Par exemple, votre livre « L'ordre du temps » a été cité par quelques candidats à l'agrégation de philosophie en 2019 en France. Ah, je ne savais pas, ça me fait plaisir. Moi, je l'ai remarqué. Et Yann Mambrini, vous êtes du même avis, à savoir que un dialogue fécond peut entre-nourrir les deux disciplines ? Bien sûr, et les premiers physiciens étaient philosophes. On peut parler d'Aristote, évidemment, de Platon, de Socrate. Et si on parle de la notion du temps, Aristote est un des premiers qui s'est posé la question de l'interdépendance entre temps et espace. Et à cette époque-là, les philosophes et physiciens étaient assez liés. La période grecque, je dirais, classique, et aussi la période grecque hellénistique, les époques d'Archimède, entre autres, où les philosophes étaient même des physiciens pratiques, où ils mettaient la physique au service aussi des civils. Donc oui, il y a un lien très fort entre philosophes et physiciens. Carlo Rovelli, dans votre livre, vous ne parlez pas que de physique ni que de physiciens, je l'ai dit, vous parlez aussi de votre fascination pour les poulpes. Votre chapitre s'intitule « La conscience des poulpes ». D'où vient cette fascination? Qu'est-ce qui... Ça vient du livre, évidemment, comme beaucoup de choses viennent des livres. C'est comme ça qu'on découvre une grande partie des choses qu'on ne sait pas. Mais aussi du rencontre avec les poulpes sous la mer. C'est toujours un peu émotionnant rencontrer des poulpes sous la mer. Et la raison de cette fascination, c'est que les poulpes ont un système de neurones, on peut dire d'une intelligence, très très développée. C'est très complexe, le système nerveux des poulpes, au même niveau qu'un homme, comme chat, comme mammifère. Mais c'est un cerveau qui s'est développé de façon indépendante des mammifères. Donc c'est pas comme les chats qui finalement sont des cousins à nous. On a des ancêtres communs il y a quelques millions d'années. Et les poulpes, non, pour retrouver des ancêtres communs, il faut aller en arrière au début de la vie. Et donc, la nature sur la Terre, la biosphère, a développé une intelligence complexe au moins deux fois. Une fois dans toutes les espèces comme la nôtre, avec laquelle on se reconnaît. Si je regarde un chat, je reconnais mes mêmes émotions, mes mêmes peurs, mes mêmes... Et l'autre fois, dans les poulpes. Et donc, rencontrer un peuple, interagir, et l'interaction avec un peuple, c'est toujours complexe. Il nous regarde, il nous suit, il est curieux de nous, on s'approche, il change couleur. Il a une interaction réelle. Vous voulez dire que dans un poulpe, le système neuronal est réparti dans tout le corps, y compris dans les tentacules, et pas simplement concentré dans le cerveau? Oui, ça c'est le côté différence. Donc, une fois qu'on se rend compte qu'on a une complexité de comportement énorme, similaire à la nôtre, mais c'est complètement différent en même temps. Il n'a pas un cerveau dominant central. Il a une espèce d'intelligence diffusée dans tout son corps, sur la peau, sur certains des tentacules. Et donc, c'est un peu qu'on rencontrait un alien. Non, on veut étudier la conscience. Et pour étudier quelque chose, le mieux, c'est si on a une autre version de la même chose. Et le poulpe un peu offre cette possibilité. Il y a un livre écrit par un philosophe, qui c'est un philosophe de l'esprit, de la conscience, mind philosopher, et il a étudié le poulpe exactement à cause de ça, pour chercher un peu de lumière sur des choses étranges qui est notre conscience de prima, donc on comprend pas bien, et c'est utile d'en étudier une autre version qui est celle de ces étranges petits animaux. Vous commencez le chapitre, Carlo Rovelli, en écrivant: au cours d'une promenade en bateau, il y a plusieurs années, un ami qui avait l'habitude de plonger pour aller pêcher des poulpes remonta à bord les mains vides et l'air troublé. Il y avait un poulpe dans un trou, nous dit-il, mais je n'ai pas eu le courage de le tuer. Il me regardait avec de grands yeux épouvantés. Je pense que c'est une expérience que plusieurs gens ont eue. Après avoir écrit ce livre, c'est déjà publié, j'étais dans une petite île avec la mer très très claire et basse, et en nageant, j'ai vu un poulpe. Et donc, j'ai passé une bonne demi-heure à jouer avec ce poulpe, finalement. D'abord, il avait peur de moi, puis la peur est passée, il s'est approché, je arrivais presque à le toucher. Quand je partais, il me suivait parce qu'il voulait continuer cette relation. On arrive à avoir une relation avec un poulpe comme avec un petit chat dans la rue. Sur le poulpe, oui. Tant qu'à faire, je ne pensais pas qu'on parlerait du poulpe. Tout est possible dans cette émission. Tout est possible, mais comme je fais du mentalisme aussi en magie, je peux pas ne pas parler de Paul le poulpe, qui avait prédit quand même 12 matchs sur 14 lors de la Coupe du Monde 2010 et Coupe d'Europe 2008. Donc il y a aussi des poulpes mentalistes. Mais est-ce qu'il est encore en service? Il est mort en 2010, malheureusement. Est-ce que quelqu'un l'a remplacé? Non, je ne crois pas, je ne suis pas au courant. Même pas un humain, même pas un logiciel d'intelligence artificielle. Je n'ai pas suivi les succès de Paul le poulpe, mais bon. Ah, donc je reviens à votre livre, Carlo Rovelli, vous parlez de votre rencontre, une de vos rencontres, j'imagine, avec un grand physicien indien qui s'appelle Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel, qui a travaillé sur la mathématique des trous noirs et qui a aussi calculé la limite supérieure de la masse des étoiles. Il attendait de vous expliquer ce qu'il fallait être ou faire pour être un grand physicien. Oui, j'étais jeune. Pour faire de la bonne physique. Je venais d'arriver aux États-Unis et j'étais tout ému de voir ce très grand personnage. J'avais étudié ses livres, ses œuvres. Et j'avais eu la grande chance d'être assis à côté de lui dans un de ces dîners qu'on fait à la fin des conférences. Et donc, j'étais tout ému. À un certain moment, lui, il se tourne vers moi et il me dit, tu sais, Carlo, pour être un bon physicien, et moi, j'étais là en attente. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très intelligent. Et il me dit, c'est pas l'intelligence qui compte. Ah oui, je veux comment ça? C'est un des hommes certainement le plus intelligent qu'il y a. C'est le seul prix Nobel à part Einstein dans la relativité générale théorique. Au moins c'était, parce que maintenant il y a aussi Kiptov, donc voilà. Et donc j'attends, si pour devenir un scientifique comme Einstein, comme lui, c'est pas l'intelligence qui compte, qu'est-ce qu'il faut? Et il me regarde et dit, il faut travailler beaucoup. Ben, c'est ce que vous avez fait, je crois. J'ai travaillé beaucoup, oui, l'idée que, moi je m'intéresse un peu de tout, j'ai cette curiosité à 360 degrés, mais ça veut pas dire qu'on fait la physique, on arrive quelque part dans les heures libres, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et Carlo Rovelli, vous consacrez également un chapitre à Nagarjuna, ce penseur indien du deuxième siècle après Jésus-Christ, je crois, qui a développé l'idée qu'on peut penser une sorte d'interstice entre le non-être et l'être. C'est une bonne façon de le dire, oui. C'est pas la façon dont je le dis, mais c'est une bonne façon de le dire. Et en quoi est-ce qu'il vous inspire et en quoi est-ce que ce qu'il a dit peut éclairer certains travaux en physique d'aujourd'hui? Je pense qu'il peut. Alors, j'y suis tombé parce que moi, j'écris plusieurs travaux sur la mécanique quantique, qui est encore ce grand mystère. C'est la théorie, je dirais, la meilleure qu'on a en physique maintenant, la base, le cœur de toute notre compréhension du monde au niveau physique. Mais il y a un aspect complètement mystérieux de la mécanique quantique. Et les gens se bagarrent. Il y en a qui disent une chose, il y en a qui disent une autre chose. Et moi, j'ai mon point de vue sur la mécanique quantique, qui s'appelle la mécanique quantique relationnelle avec d'autres. Et chaque fois que je parlais de ça, très souvent, ça arrivait que quelqu'un me dit « Mais est-ce que tu as lu Nagarjuna ?» Alors, moi, je disais, bon, les penseurs de l'Est, qu'est-ce qu'ils savent de la physique moderne? Ça n'a rien à voir, la philosophie ancienne indienne avec la... Donc, j'ai résisté à ça. Mais finalement, j'ai décidé de le lire et ça a été un flash. C'était la lecture de Nagarjuna a été complètement étonnante pour moi parce que, bien sûr, il connaît rien de mécanique quantique, il connaît rien de sciences modernes, évidemment. Mais il offre une façon de penser le monde qui a des différences importantes avec la pensée occidentale et que je trouve effectivement ça nous donne des instruments meilleurs pour penser aussi à la mécanique quantique. Et l'idée centrale, comme tu viens de dire, c'est qu'il faut penser, il faut pas penser le monde comme un ensemble d'objets qui ont des propriétés. Donc, le monde est fait d'un livre qui est jaune et comme ça et comme ça et comme ça, une table qui est comme ça et comme ça et comme ça. Mais il faut le penser comme un réseau de comment les choses apparaissent les unes aux autres. Elles sont interdépendantes. Un réseau de relations. Elles sont dépendantes. Interdépendantes. Elles sont interdépendantes. Les choses sont en quelque sorte vides d'existence propre, et je peux le citer d'ailleurs, parce que j'ai lu le même livre que vous. Et vous aussi, et toi aussi. Et ça m'a choqué aussi. Bon, vous voyez à la radio. Hein. Ah, d'accord. Et vous aussi, vous avez été sidéré par... Quand il dit, notamment quand on s'intéresse à la question du vide, on lit Nagarjuna qui dit par exemple, dire il y a, c'est prendre les choses comme éternelles. Dire il n'y a pas, c'est ne voir que leur anéantissement. C'est pourquoi l'homme clairvoyant ne s'attachera ni à l'idée d'être, ni à l'idée de non-être. Oh, et vous avez écrit un livre sur l'être, sur le non-être, sur le vide, sur les différences. Donc ça fait écho évidemment à des questions qui intéressent tout le monde, les physiciens, les philosophes et sur lesquelles on fait des erreurs de pensée. Et donc ça c'est un exemple où la philosophie nous peut aider à ne pas faire des erreurs de pensée. Alors, je recommande la lecture de votre livre, Carlo Rovelli, écrit vagabond, mais on va parler du temps puisque c'est le sujet. Et vous, absolument. Et c'est un sujet qui me passionne. Voilà, il y a un de vos chapitres qui s'intitule « La signification du temps ». J'en lis deux petits extraits pour montrer comment votre pensée fonctionne autour de cette question. « Je crois, écrivez-vous, que ce que nous appelons l'écoulement du temps a plus de chances d'être compris en étudiant la structure de notre cerveau que la physique. » Alors, Yann Mambrini, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que penser l'écoulement du temps, c'est une affaire de neurosciences? Ou est-ce qu'un jour, les physiciens seront capables, grâce à des équations nouvelles, d'expliciter la source de la motricité du temps, ce qui fait que le temps passe? C'est une question très, très difficile. C'est pour ça que je vous la pose. Je la pose à un physicien, enfin, qui est en même temps le magicien, et j'espère qu'il va pouvoir trouver. Vous me demandez un peu si une différence entre un temps existentialiste et un temps physique, un peu. C'est du, exactement, du Heidegger recyclé, comparé à du Leibniz ou Newton. C'est pas facile. Mais une petite note sur le temps, l'écoulement du temps. La question que vous me posez, c'est est-ce que un peu c'est la subjectivité du temps, un peu. C'est une partie de la question. C'est assez lié à la culture, je pense aussi. Hein, le temps est lié à la culture. Et je reprends un des chapitres aussi de Écrit Vagabond qui m'a touché. J'ai vécu un peu la même chose que Carlo, qui donnait des cours donc à l'Institut AIMS à Mbour, au Sénégal. Et dans ce chapitre, il explique comment le temps est perçu au Sénégal ou dans les pays avec une culture équivalente. Et je lis, il écrit, les transports fonctionnent ainsi en Afrique. On attend des heures, assis dans le bus. Le temps s'écoule beaucoup plus lentement en Afrique. Et juste cette même expérience, oui, du temps. On a beaucoup plus de temps, peut-être pour penser ou pour réfléchir. Et j'ai même une double expérience parce que je donnais des cours sur le Big Bang, hein, sur l'origine de l'univers. Et mes cours étaient programmés à 10h, qui était après l'heure de prière. C'était des musulmans, donc ils revenaient de la mosquée, la plupart de mes étudiants, 90%. Et c'est vrai qu'il fallait que je leur explique aussi que donc le début du temps, parce que le Big Bang c'est comme le début du temps, que je leur explique une histoire un peu différente. Il fallait que je leur explique que ce qu'ils venaient d'entendre le matin à la mosquée n'était pas forcément incompatible avec ce que j'allais leur dire. C'était un cube, et je vais leur montrer une autre face du cube. Et qu'avec intelligence, on pouvait concilier les deux. Parce que, évidemment, j'avais des questions sur Dieu lorsqu'on parle du Big Bang. Donc, c'est vrai, cette notion du temps, du début du temps, au d'écoulement du temps, est très liée à la culture, très subjective. Mais le fait que notre expérience du temps soit marquée par toutes sortes de facteurs culturels ou autres, c'est une sorte d'évidence. Mais quand on parle non pas de l'expérience du temps, mais du temps même, tel que, par exemple, les équations le décrivent ou le représentent, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui relève plutôt de l'objectivité, de l'objectivation, et non pas simplement de la culture ? L'objectivité, c'est à partir du moment où on détache le temps des événements physiques. Et ça, c'est quand même très difficile de détacher. Mais Chandra Zekar, qu'on a évoqué, traitait le temps dans ses équations comme Einstein, alors que lui était indien, Einstein européen, et donc il y avait quelque chose qui transcendait les particularités culturelles. Alors, je vais revenir, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que culturellement, c'est mon point de vue évidemment, culturellement, la notion du temps et de la mesure du temps, parce qu'on parlait aussi de la mesure du temps, est très violente au niveau occidental et très continue au niveau oriental. Même l'approche de la physique, si on prend l'espace, c'est Démocrite qui définit l'atome, c'est la physique quantique, elle est née aussi en Europe. L'Europe est très segmentante, elle aime bien segmenter, trouver un infiniment petit, une échelle de Planck, quelque chose de... Un atome primordial, on va dire. Un absolu. Mais même les religions, vous voyez, le Big Bang, il y a un début. Et fiat lux, avant même la théorie du Big Bang. Les religions occidentales sont aussi très violentes par une explosion. Il y a un début et une fin. Alors que les philosophies orientales sont souvent liées dans un continuum de réincarnation. Le temps s'écoulait beaucoup par des clepsydres en Orient, par exemple. Si on prend l'exemple des horloges, en anglais, clock, c'était des cloches qui devaient sonner 5 fois par jour pour les prix. Parce que les prières cisterciens avaient 5 prières par jour. Et donc, même la journée est réglée, segmentée, quantifiée par des prières. 1, 2, 3, 4, 5, les laudes et les vêpres. Quand on prend le prêtre Matteo Ricci, par exemple, un père jésuite, Matteo Ricci, qui va en Chine avec des horloges au XVIe siècle, les Chinois ne sont pas du tout intéressés par les horloges. Il n'y a aucune construction d'horloge en Chine, même jusqu'au XXe siècle, parce que le temps appartenait à l'empereur, et le fait de couper le temps en quantum, si on peut dire... De l'atomiser, exactement ça, atomiser le temps, n'était pas du tout dans la philosophie orientale. Ils avaient des systèmes de clepsydre, d'écoulement de temps très continu, très fluide, je vous dis, comme la réincarnation, Yin et le Yang, mais c'est cette quantification du temps, et aussi le temps devenait personnel, il n'appartenait plus à l'empereur. Le temps devait appartenir à l'empereur, et le fait de commencer à mesurer le temps, on le personnifie, et chacun a sa propre horloge et peut un peu décider. Mais de quand date la première montre ? C'est Henlein qui est considéré... Une question que vous posez dans votre livre « Histoire de temps », oui. Et la réponse n'est pas très claire. Non, parce que c'est jamais très clair. Les premiers de n'importe quoi sont jamais très clairs. Même le premier qui a mesuré le temps, on ne peut pas le connaître. Qui a eu la première idée de poser un bateau et de mesurer l'ombre ? Je pense que personne ne peut le savoir. Les premières mesures d'écrits sur la mesure du temps datent des premiers écrits, tout simplement. Donc on va dire 2e millénaire, 3e millénaire. La première source de mesure du temps, C'est un écrit acadien, en fait, du déluge, hein, qui date à peu près du 3e millénaire, enfin 2800, entre 2800 et 3000, où il est écrit explicitement que le héros du récit remplit le malacnum, et prédit la pleine lune dans 7 jours. Magnum, c'était un récipient à l'époque où on remplissait. Donc on suppose que c'était une clepsydre. Et avec l'écoulement de la clepsydre, on pouvait prédire les pleines lunes. Le but, c'est de prédire quand venait la pleine lune. C'était à l'époque. Donc le premier écrit où il y a un écrit de mesure du temps, pas très précis, mais au moins où on pense qu'il mesurait le temps, c'est à peu près 3e millénaire. Première montre, c'est évidemment beaucoup plus tard, c'est le 14e siècle. C'est le moment où on commence à porter sur soi un instrument qui permet de connaître l'heure. Oui, alors là, porter sur soi un instrument qui porte l'heure, donc des montres de poche, on appelait ça à l'époque. Bon, déjà. Pour qu'il y ait une montre de poche, il fallait qu'il y ait des poches. Donc les poches sont arrivées assez tard aussi, il ne faut pas oublier ça. Les gens disent, première montre de poche, il n'y avait pas de poche à l'époque. Les montres se portaient sous forme de collier, et très souvent c'était un objet plutôt pour montrer la noblesse, l'état de richesse de la personne, parce que ils avaient des précisions de l'ordre d'une heure ou par jour, donc connaître l'heure n'était pas si important que ça, c'était juste pour un peu montrer qui on était. Le soleil a souvent été une des sources plus sûres de connaître l'heure que les montres de l'époque, du 14e siècle. Mais alors je poserai la même question à l'un à l'autre, à deux physiciens théoriciens, donc qu'est-ce que montrent les montres? Carlo Rovelli. Moi, je suis d'accord avec tous les deux, Yann et Étienne, même si vous avez dit des choses opposées à un certain moment. C'est très intéressant ce que vous dites, Yann, sur les aspects culturels, les aspects historiques, dans la façon dont les hommes pensent au temps et organisent l'avancée du temps, et leurs différences, et les révolutions historiques. Et Étienne dit, mais finalement, il n'y a pas des choses qui transcendent les identités culturelles. Une heure à la fin, c'est une heure, et l'horloge, c'est quelque chose de comportement mécanique, physique, qui mesure quelque chose qui a un nombre associé. Je pense que ça aussi c'est vrai. Et sur le temps des horloges, on a appris énormément avec Einstein, avec les horloges très précises maintenant, etc. Et je pense que nous faisons une erreur qui est à la source d'une grande partie de notre confusion sur le temps. Et toute la thèse de mon livre, L'ordre du temps, finalement, c'est celle-là. Et l'erreur que nous faisons, c'est de penser le temps comme une seule chose. Il y a le temps qui est ça. Est-ce que le temps est physique ou bien il est mental? Ou bien il est culturel? Le temps n'est pas une chose. Le temps, c'est une notion très complexe, avec plein de caractéristiques, d'attributs, qui ont des origines différentes. Quelques-unes ont des origines certainement très culturelles, d'autres ont des origines mentales, on a une sensation du temps qui passe, donc c'est psychologique, et d'autres aspects sont que de la physique, parce qu'on peut parler des équations qui décrivent comment deux horloges différentes mesurent le temps différent, et là c'est des faits mesurables, précis, dans le sens de la précision scientifique. Vous voulez dire qu'on est trompé par le fait que le temps est un substantif, et derrière ce substantif, on imagine une substance. Il y a un monde, plus on l'étudie, et moi le temps c'était la fascination de ma vie, étudier le temps. Donc un peu ce livre, L'ordre du temps, appelle les résultats de cette... Plus on étudie, on découvre que le temps physique n'est pas le temps de Newton, parce que ça marche différemment de comment Newton l'a dit. Autrement dit, le temps de Newton n'existe pas. Le temps de Newton, c'est une approximation. N'existe pas dans le sens un coucher de soleil n'existe pas. Ça existe, le coucher de soleil, mais c'est pas le soleil qui va coucher ou que s'élève, c'est nous que, etc., etc. Donc le temps est plus complexe. On apprend des choses sur le temps et on apprend que cette approximation qui est notre notion usuelle du temps dépend de son tour de certaines manques de précision que nous avons dans notre vision du monde. Mais je reste de l'idée, et je suis complètement d'accord avec Yann, qu'il a un côté de notre expérience du temps. Vous disiez le temps de la philosophie de Heidegger ou de Sartre et Camus. Ce temps-là n'est pas seulement le temps des horloges. Parce que ça a à voir avec la façon dont nos cerveaux marchent, la mémoire, l'aspiration, etc. Donc le temps, c'est un ensemble de couches. Je vous cite, Carlo Rovelli, vous dites « La physique nous aide à pénétrer certaines strates du mystère du temps, mais pour en comprendre tous les aspects, un grand dialogue est nécessaire, qui implique tout le spectre de notre culture, de la physique aux neurosciences, de la philosophie à la littérature. » Voilà, c'est ça. Et dans mon livre, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas capable de faire cette énorme synthèse, je cherche finalement de dire il faut regarder tous les différents côtés de cette histoire, qui, je pense, à la fin, ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Le temps de notre expérience de laquelle parle Heidegger n'est pas quelque chose qui est contraire au temps de Einstein. Il parle de deux choses un peu différentes. Mais vous êtes tous les deux physiciens théoriciens, vous écrivez des équations à longueur de journée. Est-ce que vous pensez qu'un jour une équation nous dira d'où provient le temps? Yann Mambrini, Carlo Rovelli, qui s'y lance? C'est difficile. Mais peut-être pour revenir sur ce que Carlo, quand vous me demandiez peut-on mesurer le temps ou qu'est-ce qu'on mesure vraiment, je reviens juste 10 secondes sur la définition de Leibniz que je trouve assez jolie. C'est le temps, c'est l'ordre des choses connectées mais incompatibles. C'est quand on a deux situations spatiales qui sont incompatibles. Par exemple, si je joue au bowling, il y a la boule qui roule, les quilles sont debout. Puis le temps d'après, les quilles sont tombées et la boule est passée. La photo des quilles qui sont tombées et des quilles qui sont debout sont incompatibles. Deux situations spatiales incompatibles, mais elles sont quand même connectées l'une avec l'autre. Donc on a une notion de temps, nous, subjectifs physiquement ou même au niveau de la physique, parce que l'espace bouge d'un état à un autre état qui sont tous les deux incompatibles. Si deux états incompatibles, c'est forcément qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose et c'est ce que Leibniz appelle le temps. Et dans le cas de qu'est-ce qu'on mesure, vous me demandiez est-ce qu'on mesure vraiment le temps, Poincaré en 1898, dans son article tout simplement La mesure du temps, le précise et le dit non, c'est impossible de mesurer le temps. Parce que la mesure d'un temps, il faut un système physique, on va dire isochrone, qui passe d'un point A physique à un point B physique, le balancier est en haut à gauche puis en haut à droite. On sait très bien que le lendemain, ce même temps sera pas le même. Même si notre système est parfait, la Lune aura bougé un petit peu, l'étoile Sirius aura un petit peu bougé, tous ces effets ont eu des effets sur le balancier. Donc, quel que soit l'instrument aussi précis a-t-on, même localement, sur la mesure du temps, l'univers autour ayant bougé, le temps pour aller de A à B aura changé. Donc la seule possibilité de mesurer le temps, c'est un univers totalement statique. Mais par définition, un univers totalement statique, le temps n'est pas nécessaire. Donc c'est un univers totalement statique, il n'y a pas de dynamique. Donc la mesure du temps n'est pas possible déjà. Mais ma question c'était plutôt, est-ce qu'on peut mesurer le temps directement ou simplement ses effets, notamment par une montre ou par un pendule par exemple, il se métamorphose en espace, en mouvement même. Exactement. Et donc c'est un avatar du temps exactement, qu'on mesure. C'est exactement ça, c'est exactement ce que dit Poincaré aussi. On mesure la différence entre deux situations spatiales incompatibles. Et c'est un avatar du temps, évidemment. On interprète ça. Le fait de voir deux photos, l'arbre avec des feuilles qui bougent et qui bougent pas, le cerveau humain voyant deux états physiques incompatibles, va traduire ça comme quelque chose s'est passé entre ces deux effets. Il va définir ça comme étant le temps. Mais qu'est-ce que vous répondriez à Bergson qui reproche à Einstein et à tous les physiciens finalement de ne penser le temps qu'en le projetant sur l'espace? Carlo Rovelli. Je suis complètement d'accord avec la caractérisation du temps la plus générale que Yann offre. Je pense que c'est ça le temps. C'est ça le temps dans le sens le plus élémentaire, je veux dire, ce qui reste jusqu'à la fin. Moi, je travaille dans une théorie qui est la gravité quantique à boucle, qui est une théorie hypothétique. Qui n'est pas la même que celle sur laquelle travaille Yann, on va en discuter. j'allais le dire, Yann peut-être pense que la direction vers laquelle il faut chercher c'est une autre. Ça va très bien, ça c'est la science, on cherche une direction différente. Et dans la théorie où je travaille, moi et des centaines d'autres chercheurs dans le monde entier, les équations fondamentales qu'on écrit, on a un ensemble de, on peut les écrire sur une page d'un cahier, ces équations hypothétiques qui devraient mettre ensemble la théorie d'Einstein avec la mécanique quantique n'ont pas de variable temps. Il n'y a pas de T là-dedans. Et donc, il n'y a rien qui, dans la grammaire élémentaire de la physique, si cette théorie est correcte, qui corresponde au temps qui passe. Donc, Il y a une dynamique. Votre question, Étienne, mais alors c'est quoi le temps? Mais alors c'est exactement la chose dont on parle. C'est-à-dire, on peut parler des variables physiques qui décrivent le monde, qui peuvent avoir une valeur ou l'autre. Et cette distinction élémentaire, c'est à l'origine de ce qu'on appelle la temporalité. Dans le sens le plus simple, le plus élémentaire, n'est pas commune partout, c'est local, c'est pas global, n'est pas unique. Entre deux événements, ça dépend de où je passe, il peut y avoir des temps différents, etc., etc. Et donc, de là, avec des approximations successives, on peut un peu comprendre comment reconstruire la notion de son complexe, unique, unitaire, orienté, que c'est et qui passe, qui flue, qui est celle de notre expérience, à travers l'approximation classique et non quantique, à travers la mécanique statistique, la thermodynamique, et je pense aussi à travers l'étude de notre cerveau, parce que nous avons la mémoire, c'est la mémoire qui nous donne le sens à nous du temps qui passe. Est-ce que toute cette reconstruction est complète? Non. Il y a des morceaux de ça qu'on comprend très bien. On comprend très bien, par exemple, comment le temps d'Einstein, la relativité générale, se réduit à notre intuition un peu newtonienne locale. Nous savons aujourd'hui qu'entre deux événements, le temps qui passe, ça dépend de comment on bouge. Mais c'est pas dans notre expérience. Donc il y a un décalage entre notre expérience et ce qu'on mesure. Et on comprend très bien ce décalage. C'est une approximation. On ne voit pas certaines choses comme on voit autour de nous. La Terre est plate, mais parce qu'on voit seulement un morceau petit. Donc il y a des aspects de cette reconstruction du temps, comme le temps pour nous, qu'on comprend très bien. Mais pas tous, on ne le comprend pas tous. Il y a des mystères encore. Pourquoi l'entropie de l'initiale était basse, on ne le sait pas. Et comment vraiment notre cerveau met ensemble beaucoup d'expériences pour faire en sorte de temporalité qui passe unique, on ne le sait pas encore. Donc il y a plein de, à des niveaux différents, il y a plein de mystères encore ouverts dans cette chose très complexe qui est le temps. Yann Monbrény, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que vous parliez de Bergson, justement la subjectivité du temps, et Bergson, c'est marrant parce qu'il est contemporain d'Einstein, et je trouve que au niveau philosophique, l'apport de Bergson, c'est une localité du temps. Le temps dépend de chacun, en quelque sorte. Cette fameuse expérience de la tasse de café avec le sucre qui fond, et suivant si on est pressé ou pas, on a l'impression que le temps passe vite ou ne passe pas vite. Donc c'est dû à deux choses. D'une part, évidemment, que on a une durée de vie finie. L'être humain a une durée de vie finie. Et la notion du temps, quand on a une durée de vie finie, elle est vraiment plus précieuse. Je pense qu'on n'aurait pas la même notion du temps si nous vivions indéfiniment. Si l'être humain vivait indéfiniment, j'aimerais bien savoir quel type de physique il aurait créé. Je pense que ça n'aurait pas été la même, à mon avis. Donc, mais vous pensez que le temps a à voir avec la mort? Je pense. Hein. Nous sommes des êtres humains avant tout, je pense. C'est plutôt l'expérience du temps qui a à voir avec la mort, plutôt que le temps. L'expérience du temps. Vous avez raison, l'expérience du temps. Parce que penser que le temps s'arrête simplement parce qu'on meurt est une idée qu'on peut discuter. C'est vrai, non, mais la préciosité du temps, le travail sur le temps, je pense, est important du fait que ce soit fini. C'est ça que je voulais dire. Et deuxième chose, et je finis là-dessus, c'est vrai que je trouve que Bergson et Einstein ont ce point commun. Bergson dit le temps est un peu existentialiste, c'est personnel, vraiment, c'est le temps qui compte. C'est pas le temps d'été des équations de Newton ou de physique, mais le temps important, c'est le temps que l'on ressent, le temps ressenti. Donc il localise en fait le temps. Il dit chaque temps est différent, un peu comme la relativité en quelque sorte, qui localise aussi le temps en chaque point d'espace. Je trouve que c'est la première fois où le temps est vraiment local, et il dit il n'y a pas de temps absolu, mais le temps local est plus important. Mais une des questions que Bergson pose à Einstein, c'est en fait, on représente le temps par une droite, un peu comme dans l'espace. Et puis, on met donc des instants qui sont successifs de façon juxtaposée dans l'espace. Et personne ne demandait à Einstein, mais comment est-ce que du juxtaposé peut-il engendrer du successif? C'est-à-dire qu'il y a un moteur qui doit permettre le parcours de la droite qui n'est pas explicité par la physique elle-même. Carlo Rovelli. Je peux intervenir là, oui. Je suis d'accord avec lecture, et ça c'est la contribution très intéressante de Bergson. Il y a aussi de Husserl là, et ensuite il y a Heidegger, il y a tout le pensée des existentialistes. Je pense que de là suivent une confusion, peut-être, qui est, que, à mon avis, est dans la culture, même aujourd'hui. Parce que Bergson, au moment où il pointe ça comme important, il dit, ou il suggère, donc la physique est incomplète, et donc il y a quelque chose qui échappe à la physique, dans un certain sens. Et ça, c'est beaucoup dans la culture contemporaine aussi. Il y a une partie de la pensée contemporaine qui dit, ben, vous voyez, il y a là quelque chose qui est dehors le monde physique. À mon avis, c'est une erreur. Et dehors le monde physique, dans le sens tout simple que la physique décrit les choses simples, quand les choses deviennent compliquées, comme notre cerveau, il y a des phénomènes très compliqués qui se passent, qui doivent être étudiés dans leur complexité. Et qui, évidemment, ne sont pas dans le mouvement des aigus de l'horloge. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction interne entre le fait que, au fond, à un certain niveau de description, le monde est décrit par les équations de la physique, et donc il n'y a pas cette expérience. Un caillou météorite n'a pas une expérience du temps, des émotions du temps qui passe, de la présentité de laquelle parle Heidegger, de la même façon que nous. Mais pas parce que nous sommes dehors de la physique et le caillou est à l'intérieur de la physique. C'est tout simplement parce que nous sommes complexes. Donc, à travers les neurosciences, à travers la psychologie, à travers l'étude des systèmes complexes, je pense que ce que nous devons chercher, c'est comment ces choses différentes vont ensemble. On va revenir sur cette question, mais avant, comme la musique a un rapport avec le temps, ou plutôt, oui, la musique a un rapport énorme, on va écouter une chanson qui a été choisie par Yann Monbrény, qui s'appelle Time Song, comme par hasard, et qui est interprétée par un groupe qui s'appelle The Kinks. Time lives our lives with us, walks side by side with us. Time is so far from us, but time is among us. Time is ahead of us, above and below us. is standing beside us and looking down on us. When we were young and our bodies were strong, we thought we'd sail into sunsets when our time came along. Now that we're nearing the end of the line, time has changed, time will heal, time will mend and conceal. In the end, everything will be fine. And if we concentrate, time will heal all the hate, all in good time. We go on drifting on, dreaming dreams, telling lies, generally wasting our time. Suddenly it's too late, time has come and can't wait, there's no more time. We go on drifting on, dreaming dreams, telling lies, generally wasting our time. Suddenly it's too late, time has come and can't wait, there's no more time. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Time Song, c'est vous, Yann Mombrini, qui l'avez choisi. Cette chanson, elle parle du temps qui passe, etc. Mmh. Il y a une autre raison que le titre. Je l'aime, tout simplement. On dirait les Beatles. Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais qu'on reprenne le débat que nous avons entamé à l'instant, à savoir d'où vient notre présence à l'instant présent. Si je regarde une équation de physique, tous les instants du temps ont le même statut. Ils sont représentés de la même façon mathématiquement. Donc, l'instant présent est un instant banal. Mais en même temps, en relativité, c'est l'instant qui marque notre présence. Et donc l'observateur, la présence d'un observateur est essentielle pour le définir. Le fait que la physique représente tous les instants comme s'ils étaient équivalents, est-ce que c'est la marque de son incomplétude? Elle a raté quelque chose, ou elle a oublié quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, il faut comprendre l'éclat du présent par d'autres instruments scientifiques que la seule physique? La question du présent est compliquée, du temps en général. Parce qu'en relativité, il n'y a pas de présent voilà. Universel. Le présent est local. Donc, local, il faut préciser ce que ça veut dire. Local, c'est-à-dire que mon présent à moi n'est évidemment pas le même que le présent sur Proxima du Centaure, comme donc, dirait Carlo. Donc il est lié à votre présence. C'est votre présence qui définit le présent. Je dirais, c'est vrai qu'Aristote lui-même, lorsqu'il définissait le présent, parce qu'il parlait évidemment du futur qui n'est plus, du passé qui n'est pas encore, et il définissait le présent comme la frontière entre les deux. Et il disait un peu comme à la Démocrite en fait. Enfin, il disait enfin on peut diviser, il subdivisait cette frontière en plus petit. Il pouvait toujours redéfinir un passé et un futur, quelle que soit la taille. Donc en fait, le présent a une taille nulle en fait. Donc le présent n'existe pas, ce qui était assez paradoxal. Et c'est Saint Augustin qui a essayé de répondre à ce paradoxe en disant c'est vrai que le présent n'existe pas, mais le présent des choses futures existe, le présent des choses passées existe, et le présent des choses présentes existe. Par exemple, si je vois le soleil qui se couche, je sais que dans le futur, le soleil, normalement, va se coucher de plus en plus. Ou mes souvenirs font que, présentement, le présent des choses passées existe, parce que je pense présentement aux choses du passé. Donc le passé, le futur et le présent existent dans le présent. C'est la version de Saint-Augustin. Donc le présent, en fait, condense, en quelque sorte, subjectivement, le passé et le futur. Carl Rovelli, vous avez... une idée semblable ou vous... Oui. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Est-ce que le présent est lié à l'observateur? Oui. Alors, ce sont deux débats différents. D'abord, la relativité montre et a montré très clairement, et maintenant c'est pas les idées d'Einstein, c'est les choses qu'on mesure dans un laboratoire, que notre intuition sample sur le présent universel ou partout dans l'univers, ça tient pas la route avec comment la réalité marche. Et là, j'ai trouvé une façon très simple de le penser, c'est-à-dire nous sommes dans le même présent, on se voit, je vous vois maintenant. Non, c'est pas vrai. Parce que la lumière prend du temps pour voyager, et donc je vous vois un peu dans le passé. Vous me voyez dans le passé. Donc finalement, on vit dans des temps un peu décalés, mais très peu, parce que ce sont des nanosecondes. Deux, qu'on réalise que tout ça se passe dans l'univers toujours avec des décalages, on se rend compte que la notion de présente, et ça c'est ce que suivent dans les équations de la relativité, restreinte et générale, ne tient pas la route. Il n'y a pas vraiment du présent global dans l'univers. On ne voit que du passé. on ne voit que du passé, ou si on veut définir le présent, donc ce dans lequel nous sommes ensemble, le présent c'est seulement très très local, le présent c'est seulement dans la petite boule autour de nous, dans laquelle je peux négliger le temps de voyage de la lumière. Donc le présent universel, il faut l'oublier, le monde n'est pas fait comme notre intuition, c'est différent, c'est vraiment différent. On bouge, la Terre bouge, n'est pas immobile. Donc ça, c'est la discussion sur la caractéristique locale du présent, qu'on a compris, très bien. Derrière ça, il y a une question qui est précédente à celle-là, et celle que vous, Étienne, vous avez très bien dite. Il semble que dans les équations de la physique, il n'y a pas de notion de présent particulier. Tous les T sont les mêmes. Par contre, pour nous, tous les T ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi devrait y être une notion de présent particulier dehors du temps? L'erreur, là, c'est de penser, je regarde l'équation de physique, je regarde le monde dehors du temps, et je ne vois pas dehors du temps un temps particulier. Ben, bien sûr, dehors du temps, il n'est pas dans ça. Si je regarde l'histoire d'Anna Karenina tout ensemble, est-ce qu'il y a un moment particulier où Anna Karenina fait quelque chose? Non, je la regarde tout ensemble. Mais c'est l'histoire d'Anna Karenina. C'est une succession de moments. Nous sommes dans le temps, nous ne sommes pas dehors le temps. Nous sommes dans l'univers, nous ne sommes pas dehors de l'univers. Et en tant que dedans l'univers, par rapport à nous, il y a toujours un présent. Donc je pense que ce n'est pas vrai que la physique ne parle pas du présent. La physique parle du présent parce que la physique ne parle pas du monde vu par l'extérieur. Elle parle de comment le monde est vu par l'intérieur, par nous. Donc si je suis quelque part et j'utilise les équations de la physique, ces équations me disent ce qui se passe hier et demain, vu ce qui se passe aujourd'hui, et ça correspond à notre expérience. Donc je trouve que la physique décrit les présents, si on se rend compte que la physique décrit comment les choses sont les unes par rapport à les autres, non comment les choses sont vues par le point de vue de l'absolu. Si je comprends bien, nous parcourons nos lignes d'univers dans l'espace-temps, et ces lignes d'univers sont des successions d'instants qui, pour nous, sont présents. Oui, c'est un langage un peu métaphorique, c'est très juste. Il ne faut pas le prendre dans le sens d'imaginer qu'il y a une espèce d'univers d'espace-temps là, et nous, on marche sur l'espace-temps, parce qu'il n'y a pas d'univers là, et nous, on marche sur lui. Ça, c'est une métaphore qui... C'est bon jusqu'à un certain moment. Si on le prend trop au sérieux, on tombe dans la confusion encore une fois. La physique, je pense, c'est la physique des relations des choses les unes à les autres. Et donc... Si je vois ça, de même... C'est presque du Nagarjuna, là. C'est pour ça que je trouve que Nagarjuna, ça nous, c'est utile. Parce que cette obsession... De l'ontologie occidentale avec les choses... Des choses, la substance. Quelle est la substance? Quel est l'absolu? Qu'est-ce qui est là, dehors de tout, dehors du temps, dehors... Ça ne rend pas les choses plus simples, ça rend les choses plus difficiles. On est accroché à ça et peut-être on se trompe à être accroché à ça. Yann Mambrini, vous êtes d'accord avec oui, ce point de vue? Oui, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a une question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre, et je pense que vous n'allez pas être d'accord. Ah ben, il y a des choses... Parce que Yann Mambrini, vous travaillez dans une théorie à l'ébauche qui s'appelle la théorie des supercordes. Supergravité. Carlo Rovelli, vous êtes un des fondateurs d'une théorie qui s'appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Et si je vous pose la question... l'espace, qui a raison? L'espace-temps. Non, une question périphérique. L'espace-temps a-t-il des dimensions cachées? Parce que en relativité ordinaire, il y a 4 dimensions pour l'espace-temps, 3 liées à l'espace, 1 liée au temps. Est-ce qu'on doit garder ce chiffre 4 comme étant prouvé de 1000 façons, ou bien est-ce qu'on a le droit d'imaginer que l'espace-temps contient des dimensions supplémentaires qui nous sont cachées ou difficilement accessibles? Alors, qui commence? Bon, je peux commencer peut-être pour les dimensions. Alors, en deux mots, parce que les gens ne connaissent pas forcément la théorie des cordes ou la supergravité. Donc c'est une théorie qui essaye, tout comme la théorie de la gravité quantique, d'unifier les interactions faibles, électrofaibles et nucléaires avec... Enfin, forte, faible, électrofaible, électromagnétique, avec la gravité. Or, c'est des tentatives que les physiciens essayent depuis des décennies. Même Einstein essaye, et c'est assez compliqué. Donc, ce ne sont que des théories hypothétiques. Et l'une des hypothèses développées par beaucoup de physiciens, dont Witten et d'autres, c'est que si on considère une particule non pas ponctuelle, mais comme une forme de cordes oscillantes, on va dire, avec des oscillations qui correspondent à différents types d'énergie, comme des cordes de guitare, on va dire. Il est possible, en symétrisant, on appelle ça symétrisant la théorie, on aime bien des théories symétriques parce que c'est plus joli et souvent c'est très prédictif, afin qu'elles soient symétriques on dit localement, qu'elle soit symétrique ici et plus loin et là-bas, qu'elle soit partout symétrique. Il faut ajouter un terme dans cette énergie, et il se trouve que le terme qu'on rajoute, c'est le terme qui correspond au Lagrangien d'Einstein, de gravité. Donc c'est pour ça que le nom supergravité, on retrouve exactement l'équation d'Einstein à partir de principes qui ne la contiennent pas. Exactement, qui ne la contiennent pas. Donc cette beauté de la supergravité, qui est donc une des conséquences de la théorie des cordes, et bon, moi ce qui m'attire beaucoup, c'est la supergravité. Plus je dirais que la théorie des cordes, je trouve qu'en elle-même, la supergravité est très, très jolie. Le fait que demander qu'une symétrie soit locale induit naturellement une interaction de type gravitation, je trouve ça très beau. Et une des conditions justement pour qu'elle soit cohérente, pour qu'il n'y ait pas d'anomalie, on appelle ça des anomalies, c'est le nom qu'on donne, il faut qu'il y ait rajouté 6 dimensions d'espace qu'on appelle les dimensions compactes. Donc ça fait 10 au total. Ça fait 10. Alors pour s'imaginer ça, c'est comme une feuille de papier. Si on regarde une feuille de papier de très loin, on voit que 2 dimensions en fait, hein, comme un bateau sur l'eau. Mais si je fais un zoom sur la feuille de papier, je vais bien voir qu'il y a une petite épaisseur. Très très petite, mais il faut que je fasse un zoom. Donc je peux faire une physique sur la feuille, c'est comme si on vivait sur la feuille en 2 dimensions et tout se passe très bien. Et ces dimensions compactes sont très très petites, elles sont compactifiées très tôt. C'est comme votre chemise, elle a 3 dimensions mais vous la repassez sur 2. Exactement, j'y ai pas pensé, mais c'est exactement ça. Mais voilà. Carlo Rovelli, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que dans supergravité ou dans supersymétrie, il y a super et super, ça renvoie à supersymétrie. Or vous ne croyez pas trop, je crois, et d'ailleurs la nature peut-être ne croit pas elle non plus, à ce qu'on appelle des particules supersymétriques. Donc, est-ce que oui, mais la question était est-ce que on doit garder les 4 dimensions ou est-ce qu'on a le droit d'imaginer d'autres dimensions? Et posé dans cette façon, je pense que la réponse est évidente. Bien sûr que on a le droit d'imaginer d'autres dimensions et bien sûr que on n'est pas obligé à penser en 4 dimensions. Finalement, personne ne pensait en 4 dimensions jusqu'à il y a 100 ans. On pensait en 3 dimensions. L'idée même de 4 dimensions, ça commence autour du siècle, au début du 20e siècle. Quelqu'un parle, Minkowski là. Donc, l'hypothèse que le monde aille d'autres dimensions, c'est une hypothèse très intéressante, très légitime. Je pense que la position de dire « Ah non, ça c'est sortir de la réalité », c'est un peu stupide, parce qu'on ne sait pas comment est la réalité. Donc, tous ces tentatives d'imaginer que le monde aille d'autres dimensions, 10 ou qu'est-ce que ce soit, sont de la bonne science et de bonnes tentatives de comprendre mieux. Mais je pense que Yves est d'accord. Là, une chose c'est de faire des hypothèses et une chose c'est de convaincre que les choses sont effectivement comme ça. La science fonctionne par idée, par hypothèse, on le suit. Et l'idée de la supergravité, l'idée de la supersymétrie qui est strictement connecté, la supergravité est une théorie supersymétrique. L'idée de la théorie des cordes, de laquelle la supergravité suive comme une approximation, sont des théories qui ont été développées, sont de très belles théories, qui ont été développées pour des décennies, qui étaient très intéressantes parce qu'elles pourraient, elles auraient pu être très prédictives. Moi, je pense, il me semble qu'aujourd'hui, dans un moment où l'enthousiasme pour ces théories est un peu diminué, non pas parce que quelque chose a montré qu'ils sont faux, que c'est la fausse piste, mais parce que les promesses des années 90 n'ont pas vraiment été réalisées. Et au contraire, il y a eu un certain nombre d'indications qui ne sont pas du tout finales, mais quand même. Une a été, qui vient de la nature, donc des mesures. Une a été qu'il y avait une grosse partie du monde de la physique théorique dans cette direction de recherche là, qui s'attendait aux particules supersymétriques au CERN, au LHC. Plein de mes collègues étaient presque certains. Alors, ils n'étaient pas certains, justement, parce qu'ils étaient des scientifiques sérieux, donc ils disaient, finalement, on ne sait pas. Mais ils s'attendaient qu'au CERN, on aurait vu des particules supersymétriques qui ne sont pas arrivées. Et ça, c'était, je pense que les gens ont parlé de crise de la physique théorique, c'est pas une crise de la physique, c'est une crise d'une certaine hypothèse que pour le moment ne semble pas marcher très bien. Une autre difficulté a été avec la constante cosmologique. Dans ce monde, il y a quelques décennies, tout le monde était convaincu que la constante cosmologique devait être négative, ou zéro ou négatif. Donc que l'univers a une expansion mais décélère. Et finalement, les astronomes ont vu qu'il accélère. Et c'était tellement fort cette conviction que pour beaucoup d'années, le monde de la physique théorique ne croyait pas en astronomes. Il me disait non, mais vous allez mesurer mieux et vous allez vous apercevoir que vous vous trompez. Mais il ne se trompait pas. C'était la prédiction qui était mauvaise. Il y en a eu d'autres par la matière noire. Il avait une hypothèse de matière noire qui souffle de là. Il semble que c'est pas bon. Donc voilà, en physique, il y a rarement des expériences cruciales, oui ou non. Il y en a eu quelques-unes. Une théorie SU5 est morte pour une seule mesure. Mais en général, les théories ne meurent pas pour une seule mesure, mais ils cumulent. La théorie de Newton, à certains moments, c'était bon pour ça, c'était bon pour ça, c'était bon pour ça, c'était bon pour tout, on y croit. Et là, on a été dans les dernières décennies dans la mouvance contraire. On s'attendait dans les années 80 que cette théorie aurait pu prédire les valeurs de paramètres du modèle standard. Il l'a pas fait. Qu'il a prédire des particules nouvelles, il l'a pas fait. Donc, il me semble que, pas seulement mon idée, moi je suis une autre direction, donc évidemment je parle mal de cette théorie parce que je parle bien d'une autre. Donc je suis très biaisé là. Mais il me semble que tout le monde de la recherche maintenant a beaucoup moins de confiance dans ses idées que non il y a 10 ans. Vous, Carlo, vous travaillez dans un espace-temps à 4 dimensions, un peu spécial, on y reviendra. Et vous, Yann Monbrigny, vous en avez 10. Oui. Alors, est-ce que votre enthousiasme a été amoindri par les résultats dont Carlo vient de parler, à savoir que on n'a pas détecté de particules supersymétriques et la constante cosmologique n'a pas le bon signe? Alors déjà, le fait qu'il y ait débat, c'est bon signe pour la science. C'est le pire pour la science, c'est qu'il y ait une seule théorie, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Je suis d'accord sur deux choses, sur Carlo, c'est que c'est vrai qu'une théorie qui est belle n'est pas forcément vraie. Malheureusement, il a pris l'exemple de SU5, c'est une théorie dans les années 70 qui prédisait l'unification des constantes fondamentales et très esthétique. Très très très esthétique mais qui est complètement fausse. Qui présente en tout cas une durée de vie du proton trop courte. Voilà. Donc malheureusement, mais c'est d'une beauté. D'ailleurs, je crois l'article original, ils écrivaient la symmetry of the world. C'est dans l'introduction qu'ils avaient trouvé la symétrie du monde. Je trouvais ça très très beau. La théorie est vraiment très très belle quand on l'étudie. SU5, c'est très belle. SO10, c'est encore vivant. Encore, ouais, SO10, bien sûr. Mais SU5, supersymétrique aussi. Mais toujours est-il que c'est pas parce qu'elle est belle en tout cas. La supergravité est très belle, donc c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est vraie. Et la mère, c'est la nature. En fait, c'est la nature qui va décider de la théorie. Nous sommes physiciens, il y a des physiciens qui construisent leur modèle par rapport aux observations, d'autres par rapport à des idées physiques. Einstein ou Dirac ont construit beaucoup de modèles par rapport aux idées de symétrie, et ça s'est révélé vrai. D'autres physiciens, comme Fermi, observent des choses et de l'observation en déduisent des théories. C'est deux visions différentes. La beauté, comme Dirac ou Einstein, on dirait par des symétries, et la mère. Mais dans tous les cas, le juge, ce sera la nature. Donc juste pour revenir sur les particules supersymétriques, et là je suis d'accord avec Carlo, mais à culpa à notre communauté de physiciens théoriciens de supersymétrie, il faut savoir qu'on n'est pas seul responsable. Quand on construit un accélérateur et qu'on demande beaucoup de budget politique, les explorateurs ont besoin de motivation. C'est pas nous qui avons prédit, c'est pas les physiciens théoriciens qui disaient qu'il y aurait des particules supersymétriques au LHC. Si vous parlez à la plupart des théoriciens des cordes, la théorie des cordes est bien plus élevée, les échelles c'est 10 puissance 17 fois la masse du proton, l'accélérateur. Donc c'est des énergies inaccessibles en laboratoire. Effectivement, il était possible que des particules soient légères. Il était possible. Mais pour ça, il fallait une hiérarchie qui était aussi problématique. Vous parlez beaucoup de théoriciens, il fallait qu'ils justifient des particules à basse énergie dans des théories qui sont à très haute énergie. Et ça posait des problèmes qu'on appelle tout simplement le problème de hiérarchie. Donc il fallait qu'on construise des modèles, je vous avoue, un peu tronqué, un peu bizarre pour justifier qu'on l'observe ou à lâcher. Pourquoi? Parce que les explorateurs nous demandaient ça. Pour avoir des budgets, on peut pas dire on fait un accélérateur pour rien. Il faut au moins une théorie qui puisse en découler. Cette théorie est tellement belle, prédisant des particules, mais pas leur masse. Il était assez naturel. Et donc, on a été un peu poussé à ça. Il y a beaucoup d'articles, c'est vrai, qui disaient on verra les particules à lâcher. Donc, c'est pas parce qu'on les voit pas que la théorie est du tout touchée. Tous les théoriciens des cordes à qui vous parlez, les vrais fondamentalistes, je dirais non, les théoriciens fondamentaux des cordes, vous diront qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des particules aussi légères. Au contraire, elles devraient être plutôt lourdes. S'il faut avoir beaucoup d'énergie, faire des collisions de très très haute énergie, inaccessibles en laboratoire pour vous départager, est-ce qu'on ne va pas rester dans un régime où on aura, l'une en face de l'autre, deux métaphysiques mathématiques qu'on ne pourra pas départager comme on le fait d'habitude pour des théories physiques? Ça risque d'être probable, mais... Moi, je suis un peu plus optimiste. J'espère, je sais pas, hein, c'est le futur qui va dire, hein, je serai un plus de... Parce qu'il est comment votre espace-temps à vous, car il y a quatre dimensions, mais il est quand même un peu spécial. Oui, oui. Alors, ce qui caractérise la gravité quantique à boucle, par contre, c'est qu'il faut pas vraiment passer aux dimensions de l'espace-temps, l'espace-temps à quatre dimensions, mais c'est pas un objet continu. L'espace n'est pas continu trois-dimensionnel. Il a une espèce de structure granulaire. Il y a un taille minimale de l'espace qui est un phénomène quantique. C'est un peu la même raison pour laquelle la lumière est faite des graines qui sont les photons. Et donc ces graines d'espace qui sortent de la mathématique, de la théorie, ne peuvent pas être divisées plus que cela. Et ils ne vivent pas dans un espace. Ils forment les espaces lui-même. Encore une fois, la métaphore des t-shirts, c'est bon. Non pas sur les dimensions, parce que les t-shirts, finalement, c'est pas trois dimensions, c'est pas dimension, c'est des fils qui sont croisés. Et c'est pas que les fils sont dans le t-shirt, parce que si j'élève les fils, il n'y a plus de t-shirt. Donc ce grain d'espace forme... C'est-à-dire que l'espace-temps, il est émergent, d'une certaine façon. Il n'est pas déjà là, il est construit. L'espace-temps est émergent. C'est un ensemble de quanta, d'excitation du champ gravitationnel, si on veut. Cela veut dire que, ça veut pas dire qu'il sort du rien. Ce qu'il y a est le champ gravitationnel qui n'est pas quelque chose de continu dans un espace, mais qui est quelque chose qui a des excitations qui sont ces quanta élémentaires que nous, on voit à grande distance, donc moyennés, et on décrit de façon approximée comme le continuum d'Einstein. Alors, on a des équations qui décrivent ça, on est en train de chercher, parce que finalement, on est dans les mêmes difficultés de théorie des corps, hein. On n'a pas des prédictions qu'on est en train de vérifier maintenant. Donc, je ne suis pas en train de dire, ah ben oui, mais nous, on est capable de prévoir et voilà ce qu'on mesure. Non, on ne mesure rien. On cherche, en utilisant ces équations, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les situations de l'univers où il y a, on a plus d'espoir de voir des effets de tout ça. Il y en a deux. Les trous noirs et le tout debout de l'univers, donc il y a 14 milliards d'années. Parce que là, la gravité quantique probablement est très importante, en effet. Donc en particulier, les trous noirs, ça c'est la grande merveille des dernières décennies. On a découvert que le monde était plein de trous noirs, est plein de trous noirs. Des très grands, des petits, des milliards de fois le Soleil, des millions de fois le Soleil, de quelques fois le Soleil, et peut-être aussi plus petits, on ne sait pas. Ces trous noirs, on sait par Hawking qu'ils évaporent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à la fin de l'évaporation. Il faut la gravité quantique pour décrire ce phénomène. On est en train de chercher d'utiliser la gravité quantique pour calculer qu'est-ce qui se passe et pour voir s'il y a des signaux que les astronomes peuvent voir, détectables, qui peuvent confirmer ou pas ce que la théorie prédit. Donc voilà. Si on arrive à trouver des signaux, on va prendre au sérieux cette théorie. Moi, j'espère. Écoutez, la science a eu des débats très longs. Copernic, Ptolémée, ça, 150 années avant que Kepler, Galilée, Newton tranchent. Même au temps d'Einstein, de Maxwell, ça passait pas mal de temps avant entre les équations. Deux fois c'est plus long, deux fois c'est court. Les atomes, on a discuté combien de temps de discuter les atomes? 2500 ans. Voilà, voilà. Donc moi, j'espère que ce soit pas si long et je pense que on est en train d'apprendre énormément sur la nature parce que on n'a pas fait des gros passes théoriques dans les dernières décennies, mais les cosmologues, les astronomes nous ont appris plein de choses sur l'univers. Moi, j'ai l'espoir, avant de mourir, de savoir si quelque chose est utile de la science théorique que j'ai fait. Bon, on n'a pas complètement résolu la question du temps, mais ce qui est sûr, c'est que l'heure a passé. Alors, il y a un philosophe grec que vous connaissez, Héraclite, qui a essayé de traduire le fait que le temps passe par la phrase suivante. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et je voulais vous donner l'anagramme de cette phrase qui a été trouvée par Jacques Perissalkov. La vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous remercie d'être venu. Je recommande la lecture de vos livres. Le temps est une grande question et donc il faut lire beaucoup de livres. Celui que Karl Rowe vient de publier qui s'intitule « Écrit vagabond » chez Flammarion. Son livre précédent « L'ordre du temps » dans la collection « Chants » de Flammarion. Et vous, Yann Mambrini, vous publiez « Histoire de temps » au pluriel aux éditions Ellipse. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Éric Boisset, à la réalisation Delphine Lemaire et Émilie Valla. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.